À l'aube de la nouvelle année, toute l'équipe de UAP Napa de Chibougamau profite de l'occasion pour souhaiter une très belle période des fêtes à toute notre distinguée clientèle et vous remercie de leur encouragement pendant l'année qui s'achève et vous demande d'être extrêmement prudent pendant cette période de réjouissance. UAP Napa au 890 3e rue à Chibougamau au numéro de téléphone 418-748-6426. Le son des cloches nous fait passer à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 de 15 secteur Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortins au numéro de téléphone 276-86-11. Le temps des fêtes est souvent synonyme de réjouissance et de rapprochement. Monsieur Régent et Philippe Lavoie, propriétaires des pharmacies Jean Coutu, vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année, et vous assurent la même qualité de service pour la prochaine année. Amusez-vous et soyez prudents pendant ces moments de fraternité. Ce sont les vœux des propriétaires de Jean Coutu, Monsieur Régent et Philippe Lavoie. De hockey mineur de Robertval avec Hugo Maltais. Salut Hugo! Hugo, bonne journée, une bonne année d'abord au départ. Beaucoup de santé, de bonheur pendant la prochaine année. Et encore une fois, beaucoup de travail avec le hockey mineur de Robertval. Merci, puis je te retourne l'appareil. Donc, bonne année, surtout de la santé dans ton cas également. Hugo, une bonne année 2020. On va parler d'abord du tournoi Atome de Chicoutimi. Il y a une équipe là-bas qui est là-bas. Oui, nous autres, on a notre Atome 2C qui s'est inscrit au tournoi de Chicoutimi. Donc, qui est encore en vie. On a joué nos deux premières parties dimanche dernier. On a gagné là, 3-1 contre les Saguenay-Chicoutimi. On a annulé 3-3 contre Jonquière. Donc, on est avec l'équipe de Jonquière, une victoire puis une partie nulle après deux parties, tout comme les Marquis. Puis, on a le même différentiel, là, donc plus 2, les deux équipes. Ce qui fait que ça va se décider là, aujourd'hui puis demain. Donc, aujourd'hui, là, Jonquière joue contre Québec. Puis nous, on joue demain après-midi contre Québec. Donc, on va avoir, en tout cas, l'avantage de savoir là, si Jonquière gagne aujourd'hui, ben combien il faut gagner demain, puis par combien de buts. Là, parce que ça va probablement se jouer là, au différentiel si les deux équipes gagnent. Donc, on va avoir au moins cet avantage-là. Mais, grosso modo, là, c'est juste un manque d'opportunisme qui fait en sorte qu'on s'est... On a, après deux parties, dimanche, dans les lancers combinés, ça a été 65 lancés contre 15 pour Robertval. Okay. On a gagné 3-1 d'un filet désert, puis on a annulé 3-3, donc c'est pas là que... On a lancé en masse, mais la rondelle n'a pas rentré, donc on n'a pas fini nos jeux, donc on est bien satisfait quand même. Puis on a... Les jeunes là, ont quand même là, leur destinée entre les mains, fait que ça va être à eux à demain là, à faire en sorte que s'ils veulent poursuivre dimanche matin pour les demi-finales, finales, ben, ils devront gagner là, demain. OK. D'autres choses à souligner peut-être aussi? Ben, c'était l'ouverture de la Ligue Saint-Pellet et Double. Ouais, ben, c'est des ouverts. Tu trouves ces bonheurs un peu? Ben, moi, je trouve personnellement, là, puis il y a plusieurs parents qui l'ont parlé, l'ouverture des ligues, je sais là, qu'il y en a qui... Les dirigeants des ligues puis les gens qui planifient les horaires qui trouvent que des fois sont un peu de court dans le temps, mais on espère là, nous en tout cas à Robertval entre Noël puis on a arrêté nos activités le 21 décembre pour donner deux semaines complètes à tout le monde, pas de pratique dans le temps des fêtes pour faire autre chose là. Je sais bien qu'il n'y a pas beaucoup de neige peut-être bien pour ceux qui font du ski puis de la planche, mais en tout cas pour avoir d'autres activités. Puis là, t'arrives le 2 au matin, après le jour de l'an, puis le lendemain, hein, le 3, tu joues. Donc là, il y a la moitié des équipes qui n'ont pas pratiqué, ils n'ont pas joué. C'est tout. Il manque des joueurs. Là, le 3, il y a encore des gens qui sont parce que l'école commençait juste jeudi, cette semaine commençait juste hier. Donc moi, j'ai des gens que le 2 puis le 3 sont encore en partie de famille, dans les familles, parce que les jeunes sont pas à l'école. Donc ça fait là que ça te t'as deux tiers d'une équipe, ça te prend des joueurs affiliés. Moi, personnellement, j'ai trouvé donc de jouer autant dans le simple lettre que jouer dans le double lettre, de commencer le 3 janvier, ça n'avait pas grand bon sens. On aurait pu commencer là, pour tout le monde à partir là, dans la fin de semaine, là, c'est-à-dire le 9 et le 10. Ben je pense qu'on aurait été capable là, de on aurait été capable de faire quelque chose, puis je suis persuadé que les ligues, là, ne sont pas en si grande, là. Ça sera pas si catastrophique que ça, là, si on avait juste là, commencé en fin de semaine. Effectivement. Puis c'est quelque part, tu sais, au mois de mars, on finit de bonne heure. Hein, C'est ça l'histoire. On finit très tôt. La majorité des équipes simples lettres, ils ont 14 ou 15 parties de jouer sur des calendriers 18 ou 20. Donc, il y aurait juste 2-3 parties à jouer d'ici au début mars. Donc, je suis persuadé que tout le monde est capable là, de replacer dans l'horaire là, une partie ou deux à quelque part, puis faire en sorte que on puisse là, avoir. En tout cas, quand le calendrier arrive tôt comme ça, qu'on puisse au moins là, pas commencer le 3 puis d'arriver. Moi, je sais qu'il y avait des équipes bantam qui avaient juste 7 joueurs ce dimanche, puis essayer de trouver des PE, puis parce que justement, on a commencé trop tôt. Fait que moi, c'est un commentaire personnel, c'est juste mon avis, mais je pense qu'on pourrait commencer un petit peu plus tard. Est-ce que tu entends faire la recommandation parce que tu es président du hockey mineur? C'est sûr que je vais en parler. Il va arriver bientôt on va sûrement savoir, nous, en association, parce qu'avec les nouvelles structures qu'Hockey Québec veut implanter là, au Bas-Saint-Laurent, Saint-Lac-Saint-Jean, avec le Pee-Wee 3A, puis sous forme un peu majeur, puis mineur, puis le Bantam 3A, là, majeur, mineur, là, même si c'est pas nécessairement comme en Ontario, mais avec cette nouvelle forme de structure-là, ben c'est sûr qu'on va se réunir. Juste avant Noël, et puis on n'a pas eu de chronique. Comment tu trouves cette... c'est quoi ta position là-dessus, toi? Ben c'est une. Je comprends la philosophie. Le problème, je suis pas contre l'idée de faire du 3A puis faire du 2A, ben un 3A majeur entre guillemets puis un 3A mineur. Je comprends ça. Là. C'est pas tout à fait mineur parce que il va avoir 12 premières. Tu vas avoir le droit de prendre 5 deuxième année puis 12 premières années dans ton 3A mineur entre guillemets. Notre problème c'est toujours la même. Nous c'est l'application versus l'éloignement. Là, t'obliges 12, puis là, ben on sait pas, là, exemple, dans le mineur, est-ce qu'ils veulent faire un club juste au Lac-Saint-Jean ou ils veulent faire un club mineur juste, ben Lac-Saint-Jean et Saguenay. Mais notre problème, ce sera toujours, peu importe le phénomène, c'est toujours la question d'éloignement. C'est ça dans les régions de notre coin qui fait en sorte qu'on ait ces problématiques. C'est que, bon, là, si c'est un club juste au Lac-Saint-Jean, puis prendre 12 premières années, ben, ça va faire quoi, là? T'obliges des jeunes encore la même affaire. T'obliges des jeunes de Normandin, de Delbeau, à aller à l'école à Alma, puis voyager. Puis des mineurs, ben, c'est des jeunes qui vont être en sixième année scolaire. Ils peuvent même être, sixième année scolaire. Donc, c'est ça qui fait que c'est quand même très jeune, là. Puis il y a même des gens qui vont être en cinquième année scolaire. Parce que c'est des late. Donc, les gens qui vont être en cinquième année scolaire, pas évident là, d'envoyer ton flot en cinquième année, partir à 11 ans, puis s'en aller l'autre bord du lac. Puis là, tu sais, je peux bien croire, mais même s'il est très, très, très bon, il n'y a pas beaucoup des très bons quand même qui gagnent leur vie avec bout de la ligne. Ouais. Quand tu es à Québec, quand tu es à Montréal, tu as tout, tu sais, je veux dire, l'équipe est à Jonquière ou est à Chicoutimi, puis tu restes à Jonquière puis à Chicoutimi, ben à la limite, tu fais 20 minutes d'autobus, ça change pas, ça change rien. Mais il faut comprendre qu'ici, ben ça a des bonnes répercussions quand même. Moi, tu vas me dire, je suis juste à 40 minutes, 45 minutes. Mais le petit bonhomme de Saint-Félicien, mais lui, il est rendu à 1 heure. Puis le petit bonhomme de Normandin, mais s'il passe dans l'eau du lac, mais lui, c'est peut-être 1h15 à l'Alma ou à Saint-Bruno. Puis là, si l'équipe est à Saint-Bruno, si tu fais juste une équipe et à Jonquière, tu peux pas mettre tes enfants en pension. Ben, je veux dire, tu peux le faire. Mais tu vois que la structure est bonne. C'est toujours nous autres dans les régions éloignées, l'application, puis qu'est-ce que ça va faire? Là, tu vas avoir encore des questions de surclassement. Les deuxièmes années qui vont être bons, qui veulent pas y aller, les parents décident de pas y aller, ben là, c'est la même affaire. Ton club, toi, majeur, ben si ton gars, il est bon, lui, puis il joue à... Il y a un club, il est à Chicoutimi, ton petit gars vient de Normandin, mais t'as-tu les moyens de le mettre en pension, puis t'as-tu de la parenté? Si t'as pas ça, tu dis non, ben tu fais quoi, là? Faut que tu le surclasses bantam, parce que là, il va aller jouer... Il y a c'est correct jouer bantam, mais ça va faire, tu sais, ça va faire bien des chialards, entre guillemets. Il y a des gens qui vont voir ça. Puis là, ben, tu sais, tu prends un petit bonhomme de 12 ans qui va être avec des flots de 14, 15 ans. C'est pas les mêmes réalités, c'est pas les mêmes affaires. C'est sûr. Puis là, si il est bantam puis tu le surclasses midget, ben, il va avoir 13 ans puis il va être avec des flots de 17 ans. C'est tout ça, là, qui fait que nous autres, en région éloignée, pas facile, là. Mais la structure, l'idée comme telle, ouais, est bonne. Je sais qu'à Saint-Côte-Nord, apparemment, qu'eux sont en temps. Hein? Et avec, La Côte-Nord, ils perdent l'humidité, ouais, ouais, espoir. Puis comme il y en a un exemple, Louis-Philippe Simard, il n'avait pas fait le midget espoir au lac, ici, puis il était allé jouer sur la Côte-Nord. Puis Louis-Philippe Simard, présentement, les Saguenayens, c'est un joueur assez utile pour les Saguenayens, puis... Mais il a passé par le midget espoir sur la côte nord avant de passer par le midget 3 avant. Fait que là, eux autres, ils perdent cette structure-là. C'est la même affaire, là. Donc, les bons joueurs, ils devraient venir jouer dans le 3A mineur, Bantam, puis oui, ils devraient venir jouer en région ici. Mais c'est pas tout le monde qui va vouloir sur la côte nord envoyer les jeunes venir ici. Ben non, c'est les jeunes de 14 ans. Tu sais, 14 ans, c'est jeune de partir de la maison. Oui, il y en a qui le font. Ben oui. Il y en a qui le font, mais c'est pas. C'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. Je veux te parler du documentaire qui va avoir lieu dimanche soir à Canal D, Parents Inc. Est-ce que tu as entendu parler? J'ai vu des petits. Je n'ai pas beaucoup. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup entendu parler. J'ai vu passer sur Facebook défiler un petit peu là, des previews de ça. Ça risque de faire parler beaucoup, hein? Bien. Ouais. C'est bien. Moi, j'ai vu. J'ai vu en fin de semaine à Chicoutimi, dans le tournoi Atome de Chicoutimi, il y a un bénévole dans le tournoi qui a un chandail, il s'appelle Monsieur, c'est le programme Respect. Ouais. Puis le monsieur, avant tous les matchs, il passe des deux côtés de l'aréna, puis il donne la main aux gens, puis il leur souhaite un bon match, puis il leur rappelle que c'est juste un match Atome, puis qu'il faut vivre dans le respect, puis il faut, tu sais, en espérant de calmer un peu le monde. C'est pas les joueurs, c'est les parents. Apparemment, que dans un extrait que tu l'as peut-être vu sur Facebook, apparemment qu'il y a un système que c'est le parent et le petit jeune est un gardien de but. Et on a installé un système de caméra qui fait en sorte qu'il y a des signaux, que le parent envoie des signaux aux jeunes qui gardent les filets. Puis finalement, on perd le contrôle durant le match, puis à la fin, apparemment que le jeune laisse passer un but facile et le parent ne le regarde même plus. Tu sais, Moi, je l'ai vu l'année passée ici, je l'ai vu dans le Novice B. Novice B. Un petit bonhomme, puis la mère, d'arriver après la game, puis dire, t'as tellement été pas bon que tu mérites de te déshabiller de chul. Elle ferme la porte, puis elle part. Ouais. Le petit bonhomme a 7 ans, puis en plus, le petit bonhomme, l'année passée, c'était un pré-novice qu'on avait monté novice. Puis là, les autres parents, c'est vrai que t'en as dans tous les sports. Je veux dire, si ton gars est bon au baseball, t'as des parents qui sont au baseball, puis ils n'ont pas plus d'intérêt. Puis il y en a qui sont au patinage artistique, puis on a vu dans les affaires de main garde, Carrigan, tout ça, blessé du monde. Puis tu vas en avoir dans tous les sports où est-ce que les gens voient leur enfant plus gros que le sport. Puis ils pensent qu'il va aller aux Olympiques ou ils pensent qu'il va faire une carrière professionnelle. Les gens perdent la mesure complètement. Mais oui, au hockey, il y en a également quelques-uns. Mais les enfants, eux autres mêmes, il n'y en a pas de problème. Les enfants dans tous les sports, là, à 95%, c'est pas eux le problème. C'est pas les enfants le problème. Il faut gérer les parents avant de gérer les enfants. Puis Yannick Jean l'a dit, on a eu une conférence qu'on a faite la fin de semaine de développement. Ça a été la première chose que Yannick Jean a dit. C'est les parents. Le problème, c'est qu'ils gèrent des jeunes de 16 à 20 ans. Puis encore là, c'est pas le flot de 16 à 20 ans qui a de la misère à gérer dans le junior majeur. C'est les parents. Ah, effectivement. Hugo, on s'en reparle jeudi ou vendredi prochain.